l'histoire, pour la science, pour l'humanité. Dans mon village on a fermé le dernier café. Au diable buveur et fumeur, fêtard de tout poil. Vous qui menacez la planète, l'univers, les étoiles. Et pourtant je repense à Marie qui servait son petit verre de bière à Pierre, son petit blanc à Léon. Elle savait y faire leur sourire, leur parler du tabac qui pour Robert, un petit rouge à Louison. C'est une victoire pour la médecine, la sécurité sociale. Ces petits bistrots, on le devine, c'était bien immoral. Combien ont saoulé leur chagrin, noyé leur misère. Il était temps d'y mettre un frein, de leur faire la guerre. Et pourtant je repense à Marie qui servait son petit verre de bière à Pierre, son petit blanc à Léon. Elle savait y faire leur sourire, leur parler du tabac gris pour Robert, un petit rouge à Louison. C'est une grande victoire pour la science, pour l'humanité. Dans mon village, on a fermé le dernier café. Bienvenue aux malades de la vie, aux dépressifs de tout poil. Car voyez-vous, un pharmacien vient d'en reprendre le bas. Hey, hey.